Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Monsieur le Supérieur, bien chers confrères, bien chers frères, c'est cette messe célébrée en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire qui introduit notre pèlerinage à Lourdes, la même où la Vierge est apparue avec un chapelet au bras, la même où Marie a révélé sa propre identité, « Je suis l'Immaculée Conception ». Il existe un rapport très étroit, très profond, entre son titre de Notre-Dame du Rosaire et son privilège d'Immaculée Conception. Juste après la chute, un Sauveur nous a été promis. Il nous a été promis avec l'intervention d'une femme qui écrasera la tête du serpent. C'est avec la Sainte Vierge, par son consentement, par sa maternité, par sa co-rédemption, par sa médiation universelle que Jésus-Christ est venu nous sauver. La prophétie de la Genèse la met en avant dans la lutte à mener contre le prince des ténèbres. Dès le début, Marie est terrible au diable. Et depuis qu'elle est placée le jour de son Assomption par son divin Fils au sommet de la gloire et de la puissance, elle l'est encore plus. Et dans l'histoire, Marie le sera également à tous les suppôts de Satan. N'est-ce pas ce que la messe de Notre-Dame du Rosaire nous rappelle, la victoire remportée sur les Ottomans à Lépante, le 7 octobre 1571, l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Avant que cette fête soit désignée comme celle de Notre-Dame du Rosaire, elle avait d'abord été celle de Sainte Marie de la Victoire, comme nous le lisons dans le martyrologe romain. Au fond, n'est-ce pas la même chose? Nombre de victoires ont été en effet remportées sur le démon et sur ses suppôts grâce au rosaire. Avant les pentes, il y a la fameuse victoire de Muret contre les cathares en 1213. Après les pentes, la victoire de La Rochelle en 1628. La victoire peut-être moins connue, la victoire de la baie de Manille aux Philippines sur les protestants hollandais. La victoire à Vienne en 1693, la victoire à Belgrade, à Corfou en 1716, et plus proche de nous, la victoire des Autrichiens pour se libérer des Soviets le 13 mai 1955. La fête de Notre-Dame du Rosaire est comme le glorieux mémorial de toutes les victoires remporté sur les ennemis de notre Seigneur et de son règne. Ces victoires ont finalement commencé dans le mystère même ou par le mystère de l'Immaculée Conception. Ces victoires s'inscrivent dans la suite logique de la conception immaculée de Marie, l'instant où elle commence précisément à écraser la tête du serpent, l'instant où elle engage le combat contre l'ennemi du genre humain, un combat qui aboutira au triomphe de son cœur immaculé. C'est dans ce combat entre la Vierge et Satan que doivent s'inscrire toutes les luttes que les chrétiens ont à mener contre le diable et ses suppôts. Au fond, il n'y a de véritable combat que celui de Dieu. Ce combat où la Sainte Vierge apparaît comme la principale guerrière, ou plutôt, selon l'expression de Saint-Louis Grignon de Montfort, la générale des armées. Comme guerrière, la Sainte Vierge a été figurée dans l'Ancien Testament par Judith, celle qui a tranché la tête d'Holoferne, le général en chef des Assyriens. Au sujet de Judith, l'Écriture nous apprend qu'elle était une jeune veuve, qu'elle était très pieuse et, d'ajouter, elle était très belle. D'ailleurs, l'Écriture dit plus loin, le Seigneur releva encore davantage son éclat. La beauté de Judith n'a pas été évoquée par hasard. Elle annonce la beauté incomparable de Marie, celle dont nous disons « tota pulchres ». Elle est vraiment toute belle. Pourquoi ? Parce qu'elle est la créature la plus conforme à Dieu. Et à ce titre, elle mérite d'être appelée le miroir de justice. Le miroir sur lequel Dieu se reflète avec le plus de netteté, de clarté qui soit. Elle est toute resplendissante de la lumière divine, toute resplendissante de grâce. En elle, tout est vérité, tout est sainteté, tout est charité. Pas la moindre tache, ni même ombre qui ternirait ce reflet d'un éclat unique des splendeurs de Dieu. De ce fait, elle est tout orientée vers Jésus-Christ dans tout son être, dans toute son existence, depuis le premier instant de sa conception. En elle, il n'y a donc aucun écart, ni déviation, ni retard dans son élan vers Dieu. Elle est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu. De là, il découle dans le cœur de Marie une vive horreur du péché, du mensonge, de tout ce qui peut, tant soit peu, détourner l'homme de Dieu. Un grand théologien du XXe siècle, le père Garrigou-Lagrange, l'appelait précisément Notre-Dame de l'horreur. Il y a en effet une inimitié irréductible entre la Vierge et le démon. Et étant notre mère, la Sainte Vierge déploie toute sa tendresse à notre égard, toute sa puissance de médiation pour nous écarter du mal, nous en protéger, nous en éloigner. Son titre de miroir de justice, le miroir sans tache de Dieu, met en évidence le lien extraordinaire entre le privilège de son Immaculée Conception et son titre de Sainte Marie de la Victoire, ou si vous préférez, Notre-Dame du Rosaire. En effet, on parle parfois du miroir comme machine de guerre. Ce miroir de feu qui réfléchit et concentre les rayons du soleil dans les voiles des navires ennemis pour les enflammer. Voilà une belle image de la puissance irrésistible de Marie quand nous l'invoquons avec ferveur. Voilà pourquoi elle est la plus redoutable aux démons et à tous ses suppôts. Voilà pourquoi elle est forte comme une armée rangée en bataille. Chaque fois que nous récitons pieusement le chapelet, c'est en quelque sorte ce miroir de justice, tout exposé au rayonnement de notre Seigneur ressuscité, notre véritable lumière, que nous opposons aux ennemis de Dieu pour projeter sur eux l'éclat de cette lumière divine qui se dégage précisément de Marie. En définitive, personne ne peut impunément résister à cet éclat comme nous le lisons dans le cantique de Judith. Même, lisons-nous dans l'Écriture, même les pierres se fondront comme la cire devant votre face. La face de Dieu, évidemment, mais cette face qui se reflète précisément en Marie avec tout l'éclat éblouissant de la lumière divine à tel point que les pierres elles-mêmes se fondront, entendez tous les puissants de la terre. Et c'est ainsi que la Vierge Marie triomphe des ennemis, soit qu'elle les aveugle, soit qu'elle les illumine, soit que leur cœur endurci se laisse enfin embraser par le feu de l'amour divin, soit que ses cœurs se trouvent consumés par les rigueurs de la justice divine. Mais dans tous les cas, c'est Marie qui triomphe, ou plutôt Dieu qui triomphe par Marie. Ce qui faisait dire d'ailleurs à Soliman le Magnifique, ce grand sultan qui faisait trembler toute la chrétienté, « Je crains plus les prières de ce pape. » Il s'agissait du pape du Rosaire, Saint Pie V, qui faisait prier tous les fidèles, « Je crains plus les prières de ce pape que toutes les armées chrétiennes. » Ne nous trompons pas, notre principale machine de guerre, c'est le chapelet. Attachons-nous donc, selon l'expression du pape Léon XIII, attachons-nous donc de plus en plus à l'habitude du rosaire. L'habitude du rosaire. Mais faut-il encore bien s'en servir? Le chapelet n'est pas que la prière de nos lèvres. Ce doit être d'abord une prière qui jaillisse de nos cœurs contrits, nos cœurs pénitents, nos cœurs éclairés par la foi, nos cœurs modelés par les mystères de notre salut, tels qu'ils se développent dans la dévotion du rosaire, nos cœurs ancrés dans l'amour de Dieu et de la Vierge, nos cœurs tout voués au service de notre Seigneur et de sa très sainte Mère. Mais l'efficacité de cette prière tient aussi à la concorde parmi les chrétiens que nous sommes. Faisons taire nos discordes, nos ressentiments, nos rancœurs, nos rivalités qui ruinent la charité, qui nous divise, qui nous disperse, qui nous isole, qui nous rendent encore plus vulnérables. Oui, la prière publique du chapelet est propre à rallier, à concilier les esprits et les cœurs, à former une véritable coalition, une pieuse armée de suppliants, à l'image de la Sainte Ligue suscitée par le pape Saint Pie V pour écarter le péril turc. Le rosaire, nous dit encore Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le rosaire récité en commun est bien plus terrible aux démons puisqu'on forme par ce moyen un corps d'armée pour l'attaquer. De même qu'il a fallu pour assurer la victoire sur les Turcs, regrouper les forces armées de plusieurs États, ce qui n'a pas été une mince affaire, surtout pour associer les Vénitiens et les Espagnols. De même, il nous faut être unis par le lien de la charité pour mieux repousser les forces adverses. Comment, mes bien chers frères, pourrions-nous prétendre à la protection de la Sainte Vierge, si réunis sous son manteau ou réfugiés dans son cœur, nous osions nous quereller, nous entre-déchirer. nous ressemblerions à ces poussins dont nous parle saint François de Sales, qui, tenus sous les ailes de la poule, s'entrebattraient et empêcheraient par conséquent leur mère à les défendre efficacement contre l'oiseau rapace. Aujourd'hui, l'urgence se fait encore plus pressante. On déplore plus que jamais, expression du pape Léon XIII, la violence des erreurs répandues. Que dirait-il aujourd'hui ? Ou encore la corruption intolérable des mœurs, disait-il au XIXe siècle. La désorientation diabolique dénoncée par sœur Lucie de Fatima s'accentue, s'intensifie de jour en jour. Oui, les chrétiens risquent de plus en plus de mourir étouffés sous le poids des institutions et des propagandes antichrétiennes, antinaturelles, contre nature, parfois relayées par des hommes d'Église eux-mêmes. Oui, les portes de l'enfer ne se sont jamais autant ouvertes sur le monde, sur l'Église militante, sur nos propres foyers, pour y répandre son atmosphère nauséabonde et sulfureuse qui asphyxie et contamine tant d'âmes, et aujourd'hui, dès la plus tendre enfance. Le péril est encore plus grand que celui que les Ottomans faisaient courir à la chrétienté au XVIe siècle et XVIIe siècle. En passant les chrétiens au fil de l'épée, les janissaires du sultan en faisaient au moins des martyrs. Aujourd'hui, les âmes se perdent massivement. Même dans nos rangs, nous pouvons déplorer des défections, des abandons, des trahisons, des reniements, tellement les attraits du monde et ses mensonges n'ont jamais été aussi séduisants. Mais, dira encore le pape Léon XIII, nous avons le droit de croire qu'en nous servant de la même prière qui a servi à nos aïeux pour faire tout le bien à tout le monde catholique, nous pourrons voir disparaître d'eux-mêmes les calamités dont souffre notre époque. Prenons donc d'assaut, mes bien chers frères, le ciel. Forçons la bonté divine par l'intercession de la Vierge Marie et surtout ne nous en lassons jamais. Car si Dieu nous a promis de nous exaucer, il ne nous a jamais promis de nous exaucer d'un coup ou dans un bref délai. Il nous faut attendre, par un effet de son infinie miséricorde. Il nous faut attendre pour nous laisser. Il nous fait attendre. Dieu nous fait attendre pour nous laisser le temps. Non pas le temps de faiblir, de nous décourager, de déserter, mais le temps de persévérer dans la prière. Le temps de nous sanctifier. Le temps de faire pénitence. D'être éprouvé et purifié par l'épreuve, le temps de nous exercer davantage à la vertu de patience, le temps de nous humilier plus profondément, de nous réconcilier avec le prochain, le temps de combattre, le temps de nous enrichir pour le ciel, le temps d'obtenir plus de gloire et de mérite, le temps d'agir, car celui qui t'a créé sans toi, ne veut pas te sauver sans toi. Et c'est ainsi que Dieu donnera force et gain de cause à nos démarches, à nos combats, accompagnés de nos prières. Ce qui faisait dire d'ailleurs à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, ces tourments qui sont peut-être notre partage aujourd'hui, sainte Thérèse disait « Je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. » Alors, quelle grâce pour nous. Pour nous éviter donc de périr, la Vierge Immaculée nous convoque ici à Lourdes. Elle nous appelle à la conversion, au repentir et à la gloire. Elle nous appelle pour nous donner la force contre tous les ennemis. N'est-ce pas ce que l'Église nous fait demander dans sa liturgie quand nous l'invoquons « D'amici virtutem contra hostes tuos »« Donnez-moi la force contre vos ennemis. » N'en doutons pas, mes bien chers frères, la Vierge Marie écrasera définitivement l'ennemi antique et plein de ruses. Elle l'écrasera surtout quand il sera dans l'exaltation de sa puissance, dit le pape Léon XIII. Surtout quand il sera dans l'exaltation de sa puissance. Alors, confiance et n'ayons pas peur. Le triomphe du cœur immaculé de Marie sera d'autant plus éclatant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.